Chapitre 10e. Le détective Bob Weld. Depuis plus de 3 mois, Olivier Cournal avait quitté ses amis, les Goldberg. Il avait été averti par une lettre de leur arrivée en France et de leur réinstallation dans la villa de Meudon. L'inventeur avait répondu en racontant son arrivée à Chicago et son entrée en fonction chez M. S. Strauss, un ingénieur américain qui s'occupait spécialement de la fabrication de machines électriques, de dynamos, d'accumulateurs et d'appareils télégraphiques. Pour le moment, Olivier était assez satisfait de sa situation. Fort bien rétribué, libre lorsqu'il le voulait, il avait le loisir de continuer ses recherches personnelles. M. Strauss lui avait assigné comme logement un petit pavillon attenant aux usines et dans lequel Léon s'était installé avec son maître. Le Belvillois, d'ordinaire si gai, se montrait renfrogné depuis quelque temps. Chicago lui déplaisait fort. D'après les conversations de Ned et de M. Goldberg, il avait appris que William Bolton y résidait. C'en était assez pour que la ville lui inspirât une répulsion invincible. « Avec ça, faisait-il, nous sommes venus nous fourrer ici juste dans la gueule du loup. » Mais il se gardait bien de faire ses réflexions devant son maître. Celui-ci, du reste, semblait totalement ignorer l'existence du père d'Aurora. La question était trop délicate, remuait trop de ressentiments, trop de souvenirs mauvais. Personne n'osait l'aborder, dire le premier mot. Juste en face de l'usine de M. Strauss était une pension de famille, genre d'établissement qui pullule aux États-Unis et qui répond bien aux exigences de la vie superficielle et hâtive des Yankees. En saoulant la moitié de leur logement, ou seulement une chambre à des hôtes de passage, beaucoup de ménages américains recouvrent ainsi la presque totalité de leur loyer. En même temps, le locataire, selon le prix qu'il y met, a droit au home, c'est-à-dire au repas en commun, à la jouissance du salon orné de l'inévitable piano. La pension de famille dont nous parlons, et qu'un vaste écriteau en anglais, en allemand et en français recommandait au public, était tenue par une petite dame vieille, sèche et ridée, les yeux cachés derrière des lunettes, veuve d'un ancien commandant de la milice et répondant au nom de Mrs. Robertson. Toute la journée, elle trônait dans un vaste fauteuil, en une pièce du rez-de-chaussée, à côté d'une grande table recouverte d'un tapis vert et parsemée de journaux et de magazines. Des chaises et des rocking chairs complétaient l'ameublement. Les murs s'enorgueillissaient de lithographies du plus mauvais goût, des portraits des présidents successifs de l'Union. Cela servait à la fois de salon et de salle de lecture et de conversation. Le jour même où Olivier Cournal arrivait à Chicago, un nouveau pensionnaire était venu s'installer dans la maison de Mrs. Robertson. Vêtu d'un complet de drap à carreaux gris, coiffé d'un feutre de même couleur, l'appareil photographique en bandoulière, le nouveau venu réalisait le véritable type du touriste anglais. Il s'était fait inscrire sous le nom de John Brown, un nom à coucher dehors, eût dit Léon, et depuis son arrivée, avait passé presque toutes les journées dans sa chambre dont les fenêtres donnaient sur la rue. Singulier touriste, qui ne visite rien, avait pensé la vieille dame. Mais le nouveau client n'avait pas précisément l'air affable. Par 2 fois, Mrs. Robertson avait essayé d'engager la conversation avec lui et en avait été pour ses frais. Elle se l'était tenue pour dit. Tous les 2 jours, régulièrement, le prétendu John Brown sortait de son pas flegmatique et s'en allait par la ville. L'honorable gentleman ne tenait sans doute pas à être suivi. Pendant plus d'une heure, il sautait de quart en quart, parcourant la ville en tous sens, et il semblait prendre beaucoup de plaisir à ses exercices hygiéniques. Puis, il se retrouvait toujours devant la porte du consulat britannique, montait, faisait passer sa carte, restait de longues heures à causer, à remuer des papiers, à prendre connaissance de volumineuses lettres cachetées de rouge et portant cette suscription « London, Foreign Office, London. Monsieur Bob Weld, consulat britannique, Chicago. » Ce jour-là, Bob Weld, le pseudo-touriste, venait de lire avec un plaisir évident son courrier secret du Foreign Office. Selon son geste familier, il se frottait les mains, tandis que ses yeux, étrangement mobiles d'expression, pétillaient de satisfaction. En face de lui, le consul anglais, un grand vieillard sec, l'avait laissé lire sans l'interrompre. C'est que Bob Weld, détective de première classe, était un véritable personnage. « Enfin !» s'écria-t-il, « voilà ce que j'appelle des ordres précis. Je commençais à désespérer. » Puis, au consul, « J'ai mission de m'entendre avec vous au sujet de cet ingénieur français et du jeune homme qui l'accompagne, dont j'ai signalé la présence au gouvernement. Sans nul doute, ce sont des espions. Vous croyez ?» fit le consul. « J'en suis sûr. J'habite en face d'eux depuis qu'ils sont ici et j'ai surveillé tous leurs mouvements. L'ingénieur Olivier Cournal est l'ami intime du savant Goldberg, l'inventeur bien connu de la locomotive sous-marine, et de Ned Hutchison, fils de l'illustre Hutchison. En lui-même, il pensa. Celui qui, sans me connaître, m'a employé pendant un mois comme ouvrier électricien à ce laboratoire de guerre, dont il croit que tout le monde ignore l'existence. Mais le détective se garda bien de parler au consul du secret qu'il avait surpris. C'était une affaire particulière qui ne regardait que lui et le Foreign Office dont il suivait à la lettre les instructions détaillées. Doué d'une perspicacité, d'un flair merveilleux, d'une grande intelligence et d'un esprit fertile, en même temps que d'une patience d'oriental, sachant se faufiler partout, surprendre les conversations, changer de costume et de physionomie, parlant couramment 7 ou 8 langues, Bob Weld était un des meilleurs agents politiques du cabinet de Londres. Amené, par un véritable hasard, à découvrir Mercury Park, à pouvoir donner à ses chefs des indications précises sur ce qui s'y passait, il était devenu riche par la seule divulgation de ce secret ignoré de toutes les nations européennes. Sa découverte avait été pour lui de l'or en barre. Ses appointements avaient été doublés, et une note particulière du ministre l'avait chargé de suivre l'affaire pas à pas, l'assurant qu'on saurait reconnaître ses services d'une façon encore plus généreuse. C'est ce qui avait motivé son voyage en Europe à bord du London, où il fit connaissance de Ned Hutchison. Lorsqu'il avait constaté que le jeune homme, encore au service de son père, s'informait de toutes les inventions militaires nouvelles et surtout de la torpille terrestre, il en avait averti Olivier Coronel. Mais ses plans avaient été déjoués. Les deux hommes étaient devenus amis, en même temps que Ned rompait violemment avec son père et qu'il épousait Lucienne Goldberg. « Plus rien à faire de ce côté », s'était dit le détective. L'espionnage de Hutchison père n'avait pas donné de meilleurs résultats. L'arrivée à New York des inventeurs avait rendu de l'espoir aux policiers. Pour le moment, depuis 3 mois qu'ils étaient seuls à Chicago, Bob Weld était bien convaincu qu'Olivier Coronel et Léon Goupil espionnaient pour le compte du gouvernement français. C'était donc sur eux qu'il avait concentré toute son attention, soupçonnant bien que si le hasard le servait, il était bien décidé à lui prêter main forte, il arriverait certainement à trouver la solution du problème qui le hantait depuis longtemps. Et il se frottait les mains dans le cabinet du consul anglais. C'est qu'en réponse à un très long rapport, il venait de recevoir plein pouvoir pour mener à bien sa mission secrète en même temps qu'une bonne provision de livres sterling. L'Angleterre, en effet, ne pouvait pas se désintéresser de cette affaire. C'eût été manqué à la politique, toute d'astuce et de fourberie, qu'elle a toujours suivie. En Extrême-Orient, en Égypte, au Soudan, rien ne l'a rebuté dans sa tactique, dans son incessant accaparement des territoires les plus riches. Toujours prêt à planter partout son drapeau, les territoires mal défendus semblaient lui appartenir de droit. La politique coloniale est son fort. Dans cette Afrique merveilleuse, et quoi qu'on en dise presque inconnue, où des territoires plus grands que la France se jouent comme sur des coups de dés, diplomatiquement, sans que personne, autre qu'un ministre, en sache rien, elle a tenté d'unir, par le haut Nil, à ses possessions du Cap, l'Égypte, qu'au mépris de ses serments, elle s'entête à occuper. Mais là, comme ailleurs, la France lui barre la route, se pose un obstacle devant son envahissante ambition. C'était donc, sans doute, une grande joie pour le Foreign Office, dont les protestations d'amitié à notre égard n'ont jamais convaincu personne, que cette occasion unique de contrecarrer, d'espionner eux-mêmes, les deux espions qu'on croyait qu'étaient Olivier Coronel et Léon Goupil. Bob Weld, à l'idée de cette bonne aubaine, se frottait joyeusement les mains. Avec ses précautions ordinaires pour dépister quiconque pourrait le suivre, le détective réintégra son logement de la pension Robertson. La chose lui paraissait bien claire. Ignorant que jamais Ned n'avait confié à personne le vrai secret du formidable arsenal enfoui dans les montagnes rocheuses, il raisonnait logiquement en pensant que ses deux voisins à l'usine Strauss devaient le connaître aussi, puisque pendant plus d'un an, ils avaient été les amis du jeune ingénieur et avaient même conservé des relations avec lui. « Donc, se disait-il, ils ont entrepris la même tâche que moi, et même d'être plus avancés que je ne le suis, puisque Ned Hutchison, passé à l'ennemi, c'est-à-dire séparé de son père, n'a pas dû manquer de leur faciliter la besogne. » Parti sur ces données, son imagination ne s'arrêtait plus. Il ruminait des plans, sans s'arrêter à aucun. « C'est égal, pensait-il, quel bon tour je vais jouer au gouvernement français. Il ne se doute pas que ces espions sont espionnés eux-mêmes et de magistrale façon. » Après d'incessantes combinaisons, Bob Weld avait arrêté un plan. Plutôt ami que serviteur d'Olivier Coronel, Léon Goupil n'était guère chargé de besogne. S'ennuyant à mourir dans ce paysage de cheminées et de hangars qu'était l'usine Strauss, il la délaissait fort souvent pour aller, suivant une habitude de gavroche parisien, flâner le long des rues et des avenues, examiner les boutiques et dévisager, sans le moindre respect, les honorables gentlemen. Dans cette ville monstrueuse qu'est Chicago, tête de ligne de 52 chemins de fer, où une population énorme s'affaire, se presse, se bouscule, pour ne pas perdre une minute de ce temps qui est de l'or, le belvillois gouailleur, les mains dans les poches, l'éternelle cigarette aux lèvres, n'avait certainement pas son pareil. Là, le flâneur, à moins que ce ne soit un Européen, est une monstruosité. Caché derrière ses persiennes, le locataire de la pension Robertson avait étudié les habitudes insoucieuses de Léon. « C'est pour mieux donner le change, paraît-il. Mais ce n'est pas moi qu'on abuse, mon petit bonhomme. Nous verrons bien s'il n'y a pas moyen de lier conversation avec toi. » Le détective ne craignait pas d'être reconnu. Il avait à sa disposition une ample collection de déguisements. Un matin donc, endossant, à la place de son complet de touriste, une imposante redingote, la figure ornée de respectables favoris poivre et sel, coiffée d'un haut de forme, pimpant, souriant, la canne à pomme d'or à la main, Bob Weld avait emboîté le pas au belvillois, qui, sans se douter de rien, s'en allait comme à l'ordinaire, visiter la ville en même temps que quelques bars qu'il honorait de sa clientèle. Ce n'était pas là que le belvillois fut un ivrogne, loin de là. Mais absorbé par ses travaux, Olivier Cornal n'avait guère le temps de s'occuper de lui. Et dame, une fois sa besogne faite, Léon ne résistait jamais au plaisir de se donner de l'air, comme il disait élégamment, pour aller retrouver quelques Français, entre autres un ancien camelot parisien, qui pendant plus de 10 ans avait débité ses boniments sur le boulevard des Italiens et s'était échoué là, on ne sait comment. Un ancien avoué, qui avait exercé plus de 50 professions depuis qu'il avait quitté la basoche pour rouler sa bosse dans les 4 parties du monde, faisait le tiers à la manie où du reste il gagnait presque toujours. Entre ces deux hommes, le belvillois pouvait parler un peu de Paris, de Belleville où s'était passée son enfance, de Montmartre, où en compagnie du majordome Tom Punch, il avait fait de si bonnes parties. Cela le distrayait de l'existence monotone qu'il menait depuis que M. Goldberg, Ned et sa femme étaient repartis pour la France. Il avait besoin de toute sa philosophie insouciante, de toute sa verve railleuse pour ne pas mourir d'ennui. Tout en cheminant derrière le belvillois, qui s'était déjà arrêté plusieurs fois pour gratifier d'une épithète irrespectueuse autant que parisienne, des gentlemen engoncés dans leur faux col et raides comme des pantins, Bob Weld attendait l'occasion de l'aborder. Elle ne tarda pas à se présenter. Au coin d'une rue, une tranchée avait été ouverte dans la chaussée et naturellement aucune corde, aucune palissade n'en protégeait l'abord. Un cycliste venait d'y tomber avec sa machine. Mais personne autre que Léon, parmi les passants, n'avait porté attention à cet accident. Contusionné aux mains et au visage, le cycliste s'était relevé fort paisiblement et y était allé chercher un policeman pour lui faire constater les avaries de la bête aux fines pattes d'acier. On n'en mettrait pas davantage, à l'avenir, des barrières aux tranchées. Mais la compagnie, poursuivie, paierait une indemnité, et tout le monde serait content. C'est au moment où Léon contemplait ce spectacle que le détective du Foreign Office l'aborda, lui demandant son chemin. « Est-ce que je sais, moi ?» répondit le belvillois. « Si vous vous figurez que je connais cette sale ville, vous vous ferez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tenez, v'là un bonhomme qui vous indiquera ça, » fit-il en désignant un agent de police, impassible sous son casque de cuir bouilli. Cet arrangement ne faisait pas l'affaire de Bob Weld, qui s'empressa d'ajouter, en français cette fois, « Pardonnez-moi, mais j'aurais dû vous parler en français, car il me semble que vous êtes de France. Parisien peut-être même, par-dessus le marché. » Du coup, Léon s'était radouci. « Bien sûr que je suis parisien et de Belleville encore, à preuve que ma mère, à l'heure qu'il est, vend de la fruiterie dans le faubourg du Temple. » C'était l'ordinaire profession de foi de Léon lorsqu'on semblait mettre en doute son origine. Le plus difficile était fait. Avec son expérience des hommes, le policier avait vu tout de suite le faible de son interlocuteur. Très adroitement, il continua la conversation sur Paris, montrant tout de suite qu'il le connaissait fort bien, proclamant sa beauté, ses agréments. Tout de suite, il mit Léon à l'aise, en employant lui-même, avec facilité, le vocabulaire spécial au faubourg de la grande cité. Bref, au bout d'un petit quart d'heure, la rondeur amicale de ce gentleman à favori, qui s'était donné comme un riche anglais voyageant pour son plaisir, avait tout de suite séduit le belvillois. Il abandonna sans regret ce jour-là son habituelle partie de manie et se laissa, sans trop de difficulté, séduire par la tentation d'un déjeuner offert de bonne grâce pour parler de Paris, avait dit Bob Weld. Au dessert, les vins généreux aidant, Léon et Bob Weld étaient devenus d'excellents amis. Sans en avoir l'air, le détective se fit renseigner sur beaucoup de choses. Mais il n'entrait pas dans son plan de faire des questions maladroites qui auraient donné l'éveil à Léon. Tout en parlant de ceci et de cela, de Paris, de New York, de la France, de l'Amérique, le Bellevillois, facilement enthousiaste, s'était écrié « Bah, ce que vous en avez de la veine, vous, de pouvoir aller comme ça, ou ce qu'on vous dit, dans les pays où il y a des sauvages, de faire le tour du monde, comme si que moi je fais le tour de cette sale ville de Chicago, ou ce qu'on s'ennuie, ma parole, c'est rien de le dire. » À cette seule pensée, Léon esquissait un formidable bâillement. « Toi, je te tiens, » se dit intérieurement le gentleman au favori. « Ah, tu t'ennuies. Eh bien, je vais te proposer des distractions. » Puis, tout haut et d'un air détaché, « Ah, vous aimez voyager ? » interrogea-t-il. « C'est idée, si j'aime à voyager. Seulement, il n'y a pas moyen. Je crois pas qu'on retourne de sitôt à Paris. » « Tenez, écoutez-moi, » fit Bob Weld, avec une bonhomie merveilleusement jouée. « Je vous assure que votre esprit et vos manières me plaisent beaucoup. J'ai du reste toujours aimé les Parisiens. Puis, il y a des moments où je m'ennuie moi-même énormément. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans mes voyages, prendre soin de mes affaires, un homme de confiance pour tout dire. Si vous voulez, je vous offre cette place. « Moi ? » s'écria le Bellevillois stupéfait. « Ah ben non, je peux pas. J'ai mon maître, monsieur Olivier. Il faut que je reste ici. » « C'est dommage, » se borna-t-il à dire, « car vous me plaisez beaucoup. Et puis je ne regarde pas l'argent. Je vous aurais donné $100 par mois, en plus de votre entretien et de votre nourriture, bien entendu. » Et voyant que Léon semblait influencé, « Enfin, je ne pars que dans 8 jours, » ajouta-t-il, « vous réfléchirez et vous me rendrez réponse. » Sur cette promesse, les deux hommes se séparèrent après avoir échangé un cordial shake-hand. Le gentleman au favori poivre et sel était content de sa journée. « Tout va bien, » murmura-t-il en s'acheminant vers le consulat britannique. « En voilà un qui aime voyager. Et que diable, il faut le satisfaire, d'autant plus que je ne perdrai certes pas mon temps, tout en faisant plaisir à ce brave garçon. Sous ses allures insouciantes, il ne réussit pas à cacher le rôle qu'il est venu jouer ici en compagnie d'Olivier Coronal. » Pour Bob Weld, il n'y avait pas de doute possible, les deux hommes étaient des espions qui, sur les indications de Ned Hattison, préparaient une vaste campagne pour le compte du gouvernement français, relativement à Mercury Park. Quel était le but de cette campagne mystérieuse? L'avenir le lui apprendrait. Le plan du détective était bien arrêté. Il avait, fort adroitement, insinué que son prochain voyage aurait pour but les montagnes rocheuses. « C'est bien ce qui décidera Léon Goupil à me suivre, » pensait-il. « Il croira trouver des renseignements dans cette région. » Bob Weld allait tâcher de capter la confiance du Bellevillois, de pénétrer dans ses secrets. S'il le fallait, il userait de tous les moyens, même de la violence, pour connaître les pièces et les dossiers cachés qu'il supposait être en sa possession. Et tandis qu'il s'abandonnait à cette agréable pensée, l'agent du Foreign Office serrait involontairement les poings en même temps qu'un sourire cruel se jouait aux commissures de ses lèvres pincées. Pendant 4 jours, Léon ne parla pas à son maître de la soirée passée avec l'Anglais ni des propositions qui lui avaient été faites. Au fond, il grillait d'envie de partir avec le vieux gentleman. Il avait beau se sermonner, se dire qu'Olivier Coronal avait toujours été bon pour lui, qu'il ne serait pas bien de l'abandonner ainsi. Son désir d'aventure l'emportait. Le 5e jour, il n'y tint plus. C'est qu'aussi l'offre lui paraissait bien séduisante. « Pour sûr, se disait-il, qu'on ne rencontre pas tous les jours des English comme ça, qui vous proposent, de but en blanc, $100 par mois, rien que pour les aider à ne pas s'ennuyer. » Et très simplement, il conta la chose à son maître. « Mais il n'y a encore rien de fait, » fit-il, « si ça vous ennuie. J'ai rendez-vous dans 3 jours avec mon bonhomme pour lui donner réponse. » Olivier Coronal prit la chose en riant. « Je comprends très bien que tu t'ennuies ici, presque toujours seul, puisque mes travaux me prennent tout mon temps. » Aussi, je ne veux pas m'opposer à ton départ. Mais j'espère bien que notre séparation ne sera pas définitive. Sais-tu de quel côté t'emmène cet Anglais ? Oui, fit Léon, du côté des montagnes rocheuses. Paraît qu'il a envie de visiter ce pays-là. Ah ! En tout cas, tu sauras toujours me retrouver ici. Je ne compte pas quitter Chicago avant plusieurs années. Puis il faudra m'écrire. Et surtout, si tu veux me faire plaisir et conserver mon amitié, ne jamais parler à personne de ce que tu as pu voir ou entendre ici et chez nos amis les Goldberg. « Oh, n'ayez pas peur, » fit le Bellevillois, « je me couperai plutôt la langue. » L'ingénieur sourit. « Oui, je sais que tu es un brave garçon, et je n'ai pas de crainte à ce sujet. » les 3 jours qui suivirent semblèrent interminables à Léon. Pourtant, comme tout arrive ici-bas, l'heure sonna de son rendez-vous avec son nouveau maître. Bob Weld fut exact. Il ne parut pas surpris de voir Léon accepter ses offres. En lui-même, il exultait. Le lendemain, tous deux prenaient le train jusqu'à Salt Lake City, capitale des Mormons. De là, ils gagneraient, à petite journée, sans se presser, les montagnes rocheuses. Le détective, qui jouait à merveille son rôle de touriste anglais, avait manifesté le désir de visiter ce pays en détail. Si Léon avait pu lire dans la pensée de son compagnon et déchiffrer l'énigme de son regard perçant, il eut vu que ses véritables préoccupations n'avaient rien à voir avec la beauté des paysages.